de rancœur. On ira boire des bières pour oublier hier. On fumera des joints pour oublier demain, puisque notre univers nous mènera en enfer. On profite de la vie, pas besoin de paradis, puisque notre univers nous mènera en enfer. Je prends le noir, le rouge, le premier fac qui bouge. Camarades rouges et noirs.